Rex, ton foiré de vrai hip-hop comme Dinas, elle est laissée pour mort. Tout le monde veut le putain de flow de Biggie, calqué Tupac, Eazy-E, brassé genre Snoop, Dio Double G. Suffit de rien contre Braque si t'es en Gucci Gucci. Par manque de Yibi, jamais je ne ferai la chubby chubby. Certains usent de leur blase pour justifier toutes ces tueries. On m'accuse de trop consommer le sticky. Et puis, suffit de rien qu'on porte atteinte à ta vie. Mexique, Irak, Somalie, Iblis ne laisse pas de répit. Ça pisse du son en dépit de ceux qui veulent ma nécrologie. Quand beaucoup finissent Tommy, que d'autres troquent leur anatomie. Moyenne en bifton, il me suffit d'un sauce comme Tony, d'un mic calibré Uzi et d'une femme façon Al Berry. En un battement de cils, MC pour toi, c'est l'agonie. Suffit de rien pour que tu t'allonges, alors te crois pas béni. Romani. La merde et le bitume, Halloween, gangsta rap, de nouvelles coutumes, ça se consume, plus que ça ne consomme, via tes rêves de hit à la une, des joints en tribune, ton bling bling, j'ai opté pour un succès posthume, voyant que tu poses en victime, victime dans des gamos, disant du cristal, il me faut du cash papy, garde les flashs, les autographes, mon job de repasser pour faire grimper mon lobby, je peux plus te voir, non. Je peux pas te croire, faux MC, tu as ta place dans mon abattoir. La quête de gloire t'a envahi, l'industrie t'a enjailli. L'espoir nous a trahis, l'État veut pas qu'on s'allie. Repose en paix, grand pas Ellie. J'ai pas pu te dire tout ce que je suis devenu, mais t'as vu Julie, je sais, c'est pas du joli. Vivre à l'étranger est un choix que j'ai dû faire par souci d'autonomie, de mon son, de mon homie.